ne ris pas ou bien que tu ne vis pas car je ne te croirai pas. Ne me dis pas que tu ne ris pas ou bien que tu ne vis pas car je ne te croirai pas. Nique les souvenirs, s'ouvre mes yeux sur mes douces nuits. Car je rêve d'autres choses et des doses de joie. Et je me plains car je peine et je récolte ce que je sème. Je crois, je suis le cauchemar de mes propres rêves. Et je pleure car je le sais, je suis le fautif de ce que je vis et de ce que je fais. Mais je suis pas une pute pour être faible, crier, prier, nier les autres et leur aide. Et le billet pour ailleurs crame dans ma main. Ne dis pas que tu ne ris pas ou bien. Tu ne vis pas car je ne te croirai pas. Ne me dis pas que tu ne ris pas ou bien que tu ne vis pas car je ne te croirai pas. Ne me dites pas que le sort si malveillant ne s'abat que sur vous, que quand il frappe, c'est l'un de vous qui l'allonge, qu'il dure comme fer, prolifère sous vos matelas. Des victimes, c'est peut-être ce qu'on est. Moi je suis là, j'ai rien demandé, la vie c'est tout ce que j'ai. Mauvais présage, voilà ce qui me fait sourire. Cet oncle sans nous traque et de tout ce mal, je n'ai pas souvenir. Ne me dis pas que tu ne ris pas ou bien. Tu ne vis pas car je ne te croirai pas. Ne me dis pas que tu ne ris pas ou bien que tu ne vis pas car je ne te croirai pas. Ne me dis pas que tu ne ris pas ou bien que tu ne vis pas car je ne te croirai pas.